Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau programme L'Asile le plus sûr, une émission tout en rafraîchissement bien frappé que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le blog asile35.blogspot.fr ou sur le mixcloud.com/redman. Ça c'est pour l'écoute à partir d'internet et sur l'antenne du 94 MHz bien évidemment le lundi en direct jusqu'à 23h et des brouettes ou le dimanche en diffusion vers 23h. On attaque avec non pas un hommage à Yes, mais le dernier album de Vitas Gerulaitis qui s'intitule Le Tigre. Vitas Gerulaitis qui était un joueur de tennis dandy et assez secoué de la fin des années 70, ce qui ne nous rajeunit pas. Et Vitas Gerulaitis, c'est aussi le combo de trois expatriés à Bruxelles mené par le violoniste, guitariste, chanteur Ismaël Colombani, ex-Miss Goulash et Plod, qui était l'acronyme de Pérave l'ornithorynque déplaçable, qui est un genre d'expert en chansons de traviole et en variété créole. Alors Le Tigre, c'est leur second disque, l'album donc de la maturité, forcément. 4 ans après le premier Perce-Oreille qui nous avait bien bourdonné dans le pavillon, celui-ci est un tantinet moins direct, avec toujours des compositions à tiroir et à l'emporte-pièce, dont on va découvrir deux extraits et on démarre avec Intermarché, une miniature que l'on va dédier au carrefour des légendes. Voilà donc Gerulaitis Vitas. We'll be right back. Blow. Healer. K. Healer. Pa. Healer. P. Healer. Blow. Healer. K. Healer. Pa. Il a. Calme et on boit frais avec l'asile. Programme de nouveautés ce soir. Tout d'abord, le dernier Vitas Gerulaitis s'intitule Le Tigre, sorti par Ship Satanism et Whose Brain Records, sorti ce mois-ci, début juin. Donc le fameux combo de Ismaël Colombani, dont c'est le retour. Ils n'avaient rien sorti depuis 4-5 ans. Deuxième album en date qui s'intitule donc Le Tigre, dont on entendait le titre qui démarrait, Intermarché, qui était enchaîné avec Bloc Papy. Album un tantinet un cran en dessous, je vous disais, que le précédent qui était sorti il y a 4 ans tout juste, sous le titre Perce-Oreille, dont je vous recommande de vous jeter si vous ne l'avez pas encore entendu. Et c'était enchaîné avec un groupe totalement inconnu au bataillon, qui répond au nom de Ifa Y Xango Tintet, ou IFA Y Xango Tintet, qui est une formation mi-belge, mi-brésilienne. Et oui, et il s'agit d'un deuxième disque qui s'intitule Twice Left-Handed Shavings, qui est sorti sur le label de Gand en Belgique, plutôt spécialisé en jazz oblique El Negocito. Formation qui s'est créée en 2010 et qui avait été pas mal encensée à l'époque de leur premier opus, qui s'intitulait Abraham, que je n'ai pas écouté, donc je ne pourrais pas vous en parler. Et donc ce Twice Left-Handed Shavings, qui est plutôt une tambouille assez sympathique, qui mélange jazz sautillon et musiques électroniques un peu un poil dansante, parfois aussi un peu électroacoustique sous les bords. Alors c'est une formation à géométrie variable, puisqu'ils ont recruté 3 nouveaux membres depuis leur premier album, ce qui porte donc à 10 l'ossature de ce IFY Xango Tintet, donc le bien nommé. On va continuer avec toujours une séquence un peu free rock, mais un petit peu plus dure. Le groupe s'intitule SSBT, alors je ne sais pas si c'est l'acronyme de quelque chose. En tout cas, c'est un trio américain plutôt très bon, dans lequel on retrouve deux guitaristes saxophonistes, Steve Johnson et Parnam Dojigi, et qui sont en compagnie du batteur électroacousticien Chris Cockburn. Ah, ils ont déjà sorti quelques cassettes et aussi un 45 tours en lace cut. Et je vous propose leur dernière livraison qui s'intitule 247 Main ou 247 Main. C'est sorti chez Monophonus Press, ou plus exactement dans sa division Astral Spirit, qui est une division très très intéressante, ce nouveau bras armé du label d'Austin Monophonus Press, puisqu'ils ont déjà sorti sur cette micro collection une douzaine de références avec à chaque fois des disques très très aboutis, notamment on a pu écouter ceux de Will Guthrie, également de John Dickman de Cactus Truck, encore Shit and Shine, ou encore Mike Majowski, contrebassiste improvisateur assez hallucinant qu'on vous avait proposé dans une précédente émission. Donc voilà pour Astral Spirit, toujours des références qui sortent en cassette et également en téléchargement sur internet. Et donc je propose d'écouter la musique de ce combo qui s'est créé l'an dernier, si je ne m'abuse. Il s'agit d'ailleurs de live qui ont été enregistrés pour la face A à Portland, Oregon, et la face B à Seattle pour un show radio. Mais on écoute plus exactement la face de Portland, Oregon, avec ce Pockets qui a été enregistré en août 2014, très exactement. C'est toujours dans l'Asile de Plusieurs sur antenne du 94 MHz avec deux groupes ricains qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Tout d'abord SSBT, là c'est plutôt du free rock noise, matinée d'impro et d'expérimentation sonore sur les bords. Un trio je crois qui est originaire de Austin, Texas. C'est en tout cas le cas du batteur Chris Cockburn qui organisait un festival là-bas il y a ça quelques années sous le titre No ID Festival. Bon, il officie dans pas mal de projets, on le retrouve souvent aux côtés de gens du jazz contemporain, notamment bon, par exemple la pianiste Marilyn Crispell, ce qui explique un peu le côté impro de leur free rock. Et c'est une cassette et disque en téléchargement proposé par l'excellente collection Astral Spirits du label Monophonus Press d'Austin sous le titre 247 Main. D'ailleurs un titre qui se retrouve aussi sur le Lace Cut 45 Tours qu'ils viennent de faire paraître conjointement. Et donc il s'agissait d'une performance à Portland, Oregon en août 2014 qui était enchaînée avec un groupe qui n'avait rien à voir avec le précédent et qui répond au nom de Ypsilon Acrux, combo de prog rock assez frénétique, matinée de Rock in Opposition, qui officie du côté de Los Angeles depuis près de deux décades. Il s'agit de leur septième album en date qui vient de paraître sous le titre Sun Square Dialect sur le label New Atlantis. C'est une formation qui a sorti déjà plusieurs disques sur Cuneiform, ce qui n'est pas très étonnant, notamment à la fin des années 2000, mais ils n'avaient rien publié depuis 6 ans. Un groupe à géométrie variable, comme on dit, parfois deux guitares, un clavier Rhodes, une basse et deux batteries. Et on pense furieusement à Dr. Nerve ou encore à Le Chatistas pour ses Ypsilon Acrux. Alors, c'est un peu une musique un peu frénétiquement agaçante sur les bords, à côté de bout en bout. Mais les titres pris séparément sont plutôt assez chouettes. Et donc c'est sorti sur le label de Yellow Springs dans l'Ohio, New Atlantis, qui sort d'excellentes choses, plutôt en jazz contemporain, mais pas que. À l'image du nouveau disque de Mark Shippey, l'ex US Maple et Shorty, qui vient de faire paraître un nouveau disque de son projet Invisible Things, ou encore le nouvel album de la guitariste assez impro hendrixienne Ava Mendoza, Unnatural Ways, également publié très récemment sur New Atlantis Records. On va enchaîner avec tout autre chose et le retour des Massifs de Fleurs. Les Massifs de Fleurs, qui est le duo constitué entre le guitariste Dominique Repeco d'étage 34 et 60 étages, et bien évidemment aussi Festival Vendeuvre Les Nancy, en compagnie du chanteur impopulaire du Nord Frédéric Le Ginter, inventeur de machines à son dada de profession, ex-membre de Silent Block. Ils s'étaient constitués au milieu des années 90 pour le Festival Densité de Verdun. Ils avaient enregistré un premier album live d'ailleurs aussi au Festival Densité en 99 pour le défunt label Cocotte de l'association Vue d'un œuf. Ils viennent de renaître de leurs cendres avec un deuxième opus sous le titre T'es pas drone, publié par Vendeuvre comme de juste, et c'est assez à l'image de ce qu'ils produisent depuis une vingtaine d'années, à savoir de la vraie chanson à texte et à texticule, dont on va pouvoir avoir un aperçu avec le titre initiateur de cet album, le morceau Le Progrès, par les Massifs de Fleurs, les bien nommés. Quand je vois ce que les nécessités même qui thank you. tranche d'Asile le plus sûr sur antenne du 94 MHz avec deux titres que nous ne dédierons pas aux représentants de Paul Ricard, ex-membre du SAC, qui vient enfin de casser sa pipe et qui a démarré avec les Massifs de Fleurs et le disque T'es pas drone, qui n'a rien à voir avec le dernier album de France Sauvage, mais qui est sorti chez Vendeuvre. Le retour de messieurs Repeco et Fred Lejeunter. Fred Lejeunter qui a sorti aussi un stand de disques de ses chansons impopulaires sur l'excellent label Impolisson de monsieur Tagubu. Et donc, comme toujours, des textes assez siphonnants et cintrés pour ce duo de traverses et de choses assez peu recommandables, comme le disque qui s'ensuivait, qui était le retour de monsieur Tazartès avec un nouveau 33 tours qui répond au nom de la Bar Mitzvah du Chien, qui est sorti sur le label Bisou il y a de ça quelques jours. La Bar Mitzvah qui est le rite de passage à la majorité religieuse des jeunes garçons juifs. Et Gedaya Tazartès, artiste spontané dont je raffole, hein, vous le savez si vous écoutez régulièrement les sélections de l'Asile le plus sûr, avec un stand de passage à l'antenne dans ce même programme de la musique de Gedaya Tazartès. J'ai d'ailleurs consacré une spéciale à ce musicien qui est d'ailleurs disponible toujours sur le blog de l'émission asile35.blogspot.fr. Tazartès, l'apatride de Salonique, comme on dit parfois, puisqu'il est originaire d'une famille issue de la communauté juive de Turquie et de Thessalonique, mais installée à Paris, et qui vient donc de se fendre d'un nouveau disque de face, deux pièces de 20 minutes de ses compositions électroacoustiques, où il mélange sa voix avec des sons assez incroyables, issus de folklore imaginaire. Et c'est sorti sur le label, le tout nouveau label Bisou, que vient de créer le saxophoniste Quentin Rollet, qui remet le couvert après Rectangle, le label mythique qu'il avait fondé dans les années 90 aux côtés de Noël Achoté, et qui donc vient de sortir conjointement ce 33 tours et aussi un disque en duo aux côtés de monsieur Thierry Muller Illich sous le titre On Your Body's Landscape, qui est assez étonnant, que je passerai peut-être dans une prochaine émission. Et pour l'occasion de ce label, il se met à nu sur cette pochette assez fantabulesque de la Bar Mitzvah du Chien de Gedaya Tazartès. On le retrouve entièrement nu dans la position du chien, avec sa barbe plutôt post-hippie, pochette fort sympathique, et derrière un collage de Lalo Tazartès, Don't Cry For Me Mama. Voilà donc de l'art brut dans toute sa quintessence, la Bar Mitzvah du Chien de Gedaya Tazartès. On va continuer avec une formation que j'ai pas tellement écoutée ces dernières années et que je découvre quasi avec ce Beats in the Garden. Il s'agit de Spires That In the Sunset Rise. C'est pourtant leur 7e album à ce jour pour ce duo du Midwest qui existe depuis 2010, qui est constitué de Kathleen Baird à la flûte et voix et Tara Lee Peterson au sax alto, joué un peu façon Terry Riley de la fin des années 60 et des années 70. Alors il s'agit d'une musique qui flirte avec un certain acid folk, mais aussi de l'impro et du jazz. D'ailleurs, ils se sont adjoints ces deux dernières années les services de musiciens de la communauté du free jazz de Chicago, de Madison et de Milwaukee. Et musicalement, ce Beats in the Garden fait penser à une sorte de croisement entre la musique de Slapapi Pompi, Lol Coxil ou encore Roscoe Mitchell. C'est sorti sur l'excellent label britannique spécialisé dans l'expé noise, mais aussi dans l'acid folk drone américain Alt Vinyl. Et je propose de découvrir un extrait de ce nouveau disque de Spires That In The Sunset Rise, le morceau Port Beat Clock. Thank you.

Et la musique qui fait peur sur l'antenne du 94 MHz avec Monsieur Sispensoyer, alias Burning Starcore, parfois appelé le Kid de Minneapolis, et son premier disque entièrement tout seul à la voix. Il nous avait déjà gratifié, je crois que c'était il y a quasiment 8 ans en arrière, sur Mes Soldats Stupides, de quelques pièces de sa délicate voix. Et donc il vient de récidiver avec ce disque entièrement dévolu à la poésie sonore et dans le prolongement des expérimentations d'Elettriste ou encore de feu Henri Chopin. Donc entièrement à la voix, avec bien sûr les possibilités du studio Henri Recording, et en accompagnement, il s'accompagne lui-même ses propres borborygmes avec différents chuintements et autres soupirs. C'est sorti sur Primary Information, ce Solo Voice 1-10. Primary Information, qui est une organisation à but non lucratif basée à New York, qui sort des disques et surtout des listes, des livres d'artistes, de temps en temps des disques, par exemple de Tony Conrad ou encore de Rhys Chatham. À chaque fois, donc, ce sont des 33 tours, comme ce Solo Voice 1-10 pour Monsieur Sispensoyer, plus connu en tant que violoniste ou encore noise improvisateur au sein de quantité de formation depuis une bonne quinzaine d'années. Donc un disque vraiment très très recommandable si vous voulez pour vos karaokés de l'été. Et juste avant, il s'agissait de Spires That In The Sunset Rise et le disque Beast In The Garden, qui est un peu plus prime sautier pour mesdames Kathleen Baird et Tarali Peterson, un disque plutôt aérien, on pourrait dire, avec des compositions un peu chatoyantes. On va continuer dans un registre free jazz avec le grand retour de monsieur Dave Rampis et un percussion quartet de très très très bon goût qui vient de sortir sur son propre label Aerophonics, le Percussion Quartet, le bien nommé puisque il y a pas moins de deux batteurs sur cette formation. Le disque s'intitule Cash and Carry et on retrouve le saxophoniste de Chicago en compagnie des batteurs Tim Daisy et Frank Rosalie, le bassiste d'origine norvégienne mais installé à Chicago, Ingebrigt Åkerflaten est à la basse. Ça a été enregistré en concert l'été d'avant, le 31 août 2014 très exactement, au club The Hungry Brain de Chicago. Donc le retour de Dave Rampis qu'on vous a déjà passé ces derniers mois avec un disque également sorti sur la marque Aerophonic qu'il dirige, de son projet Ballister, qui est tout aussi sensationnel que ce Cash and Carry par le Rampis Percussion Quartet. Deux pièces, celle-ci doit faire pas loin de 39 minutes. Je propose le démarrage du Waterfall Run Amok par le Rampis Percussion Quartet Live. Thank you. Le saxophoniste de Chicago, Dave Rumpis, dans ses bonnes œuvres, avec non pas un, mais deux disques sortis conjointement sur son étiquette Aerophonic, label distribué d'ailleurs par Metemkin. Tout d'abord son Rumpis Percussion Quartet et le excellent disque Cash and Carry, qui était un concert de 2014 pour fêter les 10 ans du groupe, qui s'est dissous à l'issue après, bon, je sais pas, 6-7 disques qu'ils ont fait paraître depuis le milieu des années 2000, Def Rumpis, Ingrid Ackerflatten, Tim Daisy et Frank Rosalie. Et c'était enchaîné avec une autre formation également sortie chez Aerophonix, son Reed Quartet et le disque Western Automatique. Le Reed Quartet qui réunit une bonne petite palanquée de musiciens, 4 générations je crois de musiciens de jazz free américain pour ce Rumpis Chicago Reed Quartet et le disque Western Automatique. On y retrouve notamment Mars William ou encore Ken Vandermark, pour ne citer que pour ce disque de composition plutôt qui frise entre le jazz contemporain et les musiques un peu nouvelles. C'est également enregistré au Hungry Brain de Chicago en 2014, là c'était au mois de juin très très exactement, et Dave Rumpis qu'on suit depuis quelques années, notamment depuis sa participation au Vandermark 5, le projet de Ken Vandermark aux côtés duquel il a démarré sa carrière. C'était à la fin des années 90, les premiers pas du Vandermark 5, et on a pu l'entendre aussi récemment dans le projet de Michael Zerang et ses Blue Lights, et les deux excellents disques sortis sur étiquette Pink Palace, Ash Eaters and Peacekeepers et Songs from the Big Book of Love, deux disques qui ont été également enregistrés dans ce même club de Chicago, le Hungry Brain. Et si la musique de monsieur Dave Rumpis vous intéresse, je vous recommande également bien chaudement le disque sorti également sur Aerophonic en début d'année de Ballister, Worse for the Wear. Voilà, ça c'était pour les séquences free de l'asile de cette semaine qui arrive à sa fin, qui touche à sa fin. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette playlist et de cette même émission en podcast à partir du site asile35.blogspot.fr ou également sur le mixcloud.com/redman. On se quitte avec une toute dernière sélection et une nouvelle anthologie de pièces du compositeur minimaliste et artiste multimédia américain expatrié en Allemagne, Arnold Dreblatt, dont on vous passe régulièrement la musique dans l'Asile le plus sûr. On avait notamment, vous avez proposé l'an dernier à plusieurs reprises le Florilège qui était sorti en 33 tours de pièces de la fin des années 70, début des années 80 sous le titre Choice. Également, il y a de ça quelques semaines, on vous avait fait part de la réédition de son premier disque sous le titre Nodal Excitation de 1982 qui a été réédité il y a peu par le label Drag City pour donc les pièces de l'orchestre à géométrie variable de monsieur Dreblatt, le fameux Orchestra of Exciting Strings qu'il a écrit en 1979 et avec lequel il s'est beaucoup produit, et il a commencé à enregistrer au début des années 80 dans un style de composition minimale répétitive du post Lamonté Young, Pauline Oliveros et autres Alvin Lucier, style de composition pour le moins original avec un système d'accordage très particulier et un côté répétitif d'inspiration qui lorgne vers le rock et aussi la musique des Appalaches. Donc une nouvelle anthologie, comme je vous disais, qui vient tout juste de paraître sur le label dont s'occupe monsieur Oren Ambarchi, Black Truffle. sous le titre Second Selection. Donc ça fait vraiment suite à l'album Choice de l'an dernier. Et il s'agit de pièces historiques, donc de l'orchestre Of Excited Strings, à partir de 78 jusqu'à la fin des années 80. Des morceaux enregistrés pour la plupart en concert. Et on va se quitter avec une version de Nodal Excitation du 1er juin 1980, enregistrée à l'Experimental Intermedia Foundation de New York City, dont s'occupait monsieur Phil Niblock. Il y a d'ailleurs une interview enregistrée, enfin une interview de 1977 dans la pochette Gatefold de ce double 33 tours. Et je ne vais pas vous citer les musiciens de cet orchestre Of Exciting String. Vous reporterez aux notes de pochette de ce Second Selection d'Arnold Dreblatt. En tout cas, la pièce qu'on va écouter me fait beaucoup penser au gong GD des cérémonies de crémation à Bali, avec des accélérations soudaines et assez incroyables, un peu aussi ce que faisait Glenn Branca au début des années 80. Je vous souhaite une excellente nuit à l'écoute du 94 MHz. À bientôt.